Le titre de la conférence est « Communiquer avec son ajusteur de pensée ». La première question, c'est « Qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? » Non, je vais essayer d'en trouver une autre. Souvent, dans ton discours ou tes discours, dans ce que tu dis, finalement, dans le passé, ça, tu dis pas ça comme ça, là, mais ça me donne l'impression que ce que tu dis, c'est que l'humain est possédé, pas d'une possession satanique, là, c'est pas ça que tu dis, mais l'humain est possédé de quelque chose. Moi, l'image que ça me donne, c'est dans la tête, là, il y a une possession qui manipule l'humain contre son gré. Ouais, c'est rare qu'on manipule avec le gré. Oui, effectivement, l'être humain est une capsule. L'être humain est effectivement possédé. C'est-à-dire que le corps physique est un corps possédé, c'est un corps animé par de la mémoire. La mémoire, elle est réincarnationnelle, la mémoire, elle revient. De par la génétique des parents, premièrement, un corps physique attire du monde astral, du monde de la mort, donc du ciel, des réincarnations. Et tout ça fait en sorte de créer, allié à l'expérience, donc à l'exploration du milieu à travers le cadre de vie, cela va créer une espèce de prototype d'humain qui va être supporté, qui va être, dont sa vie va être sous-tendue par toutes les mécaniques mémorielles qu'il aura ramassées par la réincarnation, par l'expérience de la vie. Et ça va faire en sorte que l'être humain, finalement, le corps physique, ce qu'on appelle l'être humain, va devenir un phénomène intéressant qui réagit sans arrêt à tout ce qui se passe autour du milieu d'une façon plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire que, du point de vue cosmique, c'est phénoménal que l'être humain puisse être capable de parler. Il faut comprendre que les unités carbone capables de discussion, il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes solaires avec des planètes, qu'il n'y a pas beaucoup de planètes capables de maintenir la vie. Si on regarde du point de vue extérieur la création, bon, les créations universelles, il y en a de temps en temps, puis il n'y en a pas juste une. Alors, moi, j'appelle ça une création parce qu'il y a eu une action, c'est la seule fois. Le reste, ça en découle, c'est des réactions, même au niveau du comportement humain. L'humain parle d'harmonie, l'humain parle de paix. L'humain recherche l'harmonie, l'humain recherche la paix. Alors, il y a explosion. Ça dure pas. Parce que des millièmes de secondes, on fait c'est bon. Et puis, à un moment donné, c'est un feu majeur. Puis là, je passe des détails au niveau des phénomènes pré-créationnels, des phénomènes subatomiques, etc. Et puis, à un moment donné, ce qui apparaît a tendance à disparaître. Et progressivement, il y a un équilibre entre ce qui est construit et ce qui est détruit. Ça, c'est l'harmonie. Voilà. Qu'est-ce l'être dire, humain, là-dedans, lui, on a une planète Terre, par exemple, qui se refroidit progressivement, etc. Puis là, il y aura de l'acide aminé, il y aura jusqu'à la formation des corps cellulaires complexes, la création des animaux, création des véhicules animaux, création progressive de l'homme en lémurie avec le contact d'une race extraterrestre qui va lui donner de l'ego. Et à un moment donné, l'être humain recherche encore la paix et l'harmonie, mais quand écologiquement, on sait très bien aujourd'hui que si l'on pénètre dans une forêt et qu'on voit des animaux, des carnassiers, parce que nous sommes sur une planète prédatoriale, donc, du point de vue de la conservation de l'harmonie planétaire, il est essentiel que l'être humain s'entretue. Il est très essentiel que l'être humain tue et il est essentiel que l'être humain détruise. Le système planétaire est conçu comme ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on interdit aux loups de tuer les chevreuils, parce que c'est pas correct, à un moment donné, il n'y aura plus de forêt. L'harmonie est brisée. Donc, dans le mot harmonie, on doit comprendre qu'il y a destruction égale à construction. On doit détruire tant qu'on construit. Parce qu'à un moment donné, on va perdre l'harmonie, on va perdre la paix. En Australie, ils ont amené à un moment donné des lapins, c'était intéressant. Puis à un moment donné, il a fallu qu'ils amènent des prédateurs pour les lapins. Il y en avait trop de lapins, ça lapinait d'un bord puis de l'autre. Et puis continuellement comme ça, avec la tordeuse du bourgeon d'épinette, c'est la même chose. Bon, c'était importé d'Europe. Enfin, je ne sais pas si ça a été exporté là-bas, mais c'est importé ici. L'harmonie, c'est lorsqu'on est capable de comprendre que tu devras un jour mourir pour laisser la place aux plus jeunes. Comprendre ou accepter? Bon, de toute façon. Alors, les philosophes vont dire, fais les vagues de l'océan. Hein? Qui se meurent. Ouais, c'est ça, qui disparaissent sur la plage pour laisser la place aux prochaines qui viennent. N'est-ce pas extraordinaire? Fait que l'harmonie, c'est d'être heureux. Tant qu'on n'est pas une vague, tant c'est qu'on n'est pas la dernière, en tout cas. Là. Fait que l'harmonie, c'est d'être heureux d'être pogné. L'harmonie, c'est nécessairement une illusion intéressante parce que l'harmonie, c'est quand les choses sont stables. Non, mais l'harmonie, c'est vu d'un point de vue global. C'est pas quand tu vis. Même au niveau de l'humain, au niveau de l'illusion. L'harmonie, c'est quand les choses sont stables. L'être humain, c'est un phénomène intéressant qui déstabilise tout. Et ça, c'est un être humain. Non, mais là, tout à l'heure, tu as dit que... Non, juste avant ça, là. Ben après, je veux dire, c'est que tu dis que l'humain, il doit s'entretuer. Mais c'est pas vrai, ça. Bon. Ben, disons que c'est pas vrai. J'ai pas été à la même école, et c'est pas le dernier, en tout cas. Tu lis. Mais non, mais l'humain, histoire, je dis pas ça. Qu'il l'a pas fait, mais... C'est pas nécessaire que l'humain s'entretue pour vivre. Non. C'est nécessaire qu'il tue, mais pas d'autres humains. Ah non, c'est nécessaire qu'il s'entretue. D'ailleurs, dans les pays comme le nôtre, on interdit les tueries, alors on va permettre le hockey, on va permettre la boxe, mais on va surtout permettre la chasse. Mais élimine ces choses-là. Puis élimine la drogue et l'alcool, puis tu vas voir que l'humain va recommencer. Il le fait de toute façon. Bon. L'humain, et moi je parle d'harmonie. L'harmonie, c'est la stabilité. Pour préserver la stabilité écologique sur la planète Terre, on doit détruire autant qu'on construit. Si ça vient au monde, ça doit mourir. Si tu entretiens les vieux pour qu'ils vivent plus longtemps, il faudra qu'on tue plus de monde quelque part. Puis là, je ne parle pas d'un principe philosophique. Je ne te dis pas que je suis d'accord avec ce principe. Ce que je te dis, c'est que c'est ça qui se passe. Bon, ça, c'est immanquable. Puis c'est pas une question que tu es bon, tu es évolué, okay. Tu es spirituel, tu es gentil. Ça n'a rien à voir là-dedans. Tu meurs comme n'importe qui. OK. Oui, ça, c'est une affaire, mais de tuer quelqu'un d'autre, c'est pas nécessaire. Mais toi, ce que tu dis... Moi, ce que je dis, c'est que pour préserver l'harmonie sur la planète Terre, tout a été conçu de façon à ce que les choses ne changent pas. Pour que les choses ne changent pas dans un cycle où les choses sont en mouvement, il doit nécessairement y avoir un état de destruction parallèle à un état de construction. C'est ce que la Haute-Sœur va appeler le yin et le yang, etc. Sauf que ça, c'est un phénomène prédatorial qui appartient à la planète Terre et qui n'appartient pas à la conscience de l'homme. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas à être assujetti à ça. Mais toi, en tant que personnage habitant un véhicule humain, un véhicule planétaire, tu es nécessairement confronté à ça. Il peut arriver que je tue quelqu'un, mais c'est pas par nécessité. Je ne dis pas que toi, tu dois tuer, je dis que l'humain doit s'entretuer. OK, mais pas... Je veux clarifier, pas dans le même sens que je dois tuer un bœuf pour vivre, pour me nourrir. Non, mais tu dois être meilleur c'est, que... C'est-à-dire que c'est dans le même sens. C'est de toute façon le plus fort qui l'emporte. C'est ça, c'est la loi la compétition, de la c'est ça. Fait que ça revient au même que de tuer quelqu'un. Oui. Nous, on ne tue pas, on va tuer par procuration. On va faire tuer dans d'autres pays ou... L'ancien dirigeant de pays. Mais c'est pas nécessaire. J'avais une grosse barbe, une casquette avant. Ouais. C'était les pays du Sud, d'abord. Oui. Ils sont tous pareils. Ce qui est important, simplement, de comprendre, c'est que si, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, ce que Michel dit, c'est que, et c'est ce que l'humain dit, hein, on parle de séparation entre Québec puis le Canada. Les Canadiens, qu'est-ce qu'ils veulent, les Canadiens anglais? Ils veulent la paix. Les Québécois, ils veulent la paix. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Canadiens? Ils veulent que leurs enfants ne vivent pas dans des problèmes puis dans la misère. Que veulent les Québécois? Même chose. Que veulent les Canadiens anglais? Ils veulent l'harmonie. Ils veulent la justice. Que veulent les Québécois? La même chose. Et ils veulent toutes la même chose, puis ils vont peut-être se séparer. C'est ça, l'humain. C'est une vraie merde d'être pogné sur la planète Terre. L'humain est correct. Que voulait Saddam Hussein au fin fond d'humain? Là, c'est sûr qu'il se fait ramasser. Adolf Hitler, c'est la même chose. Il voulait que la race aryenne devienne la race suprême pour qu'en tuant tout le monde, les gens se réincarnent dans sa race parfaite. Non, mais la raison, c'est que les deux sont pas d'accord sur la façon d'arriver à avoir la paix et l'harmonie. Non, c'est pas vrai. C'est que les deux sont pas d'accord uniquement parce que les deux se rendent pas compte qu'ils veulent la même chose. Donc, ils finissent par penser que ce qu'ils veulent, c'est la façon de l'avoir, puis là, c'est là-dedans qu'ils vont se casser la gueule. Alors que fondamentalement, on veut toute la même chose. Oui, mais. Il n'y a pas d'humains. Les musulmans, là, ils prient, puis ils vont à la Mecque, ils regardent la Mecque. Pourquoi? Pour avoir la même foutue chose que les Krishna, que les Mormons, que les chrétiens. Ils vont tous se casser la gueule à un moment donné uniquement pour avoir la même chose. Comme ils l'ont toujours fait. Oui, mais c'est ça, c'est. On veut le même but, on veut le même état, mais par des moyens différents. Moi, je veux parce pas que être obligé. Chose, de... carrément dans la psychologie humaine, dans la psychologie planétaire, puis dans la psychologie de ce que l'humain appelle les dieux, qui force l'humain à se casser la gueule sans arrêt, à s'auto-punir, à s'auto-détruire, à se tuer, à mourir et à s'entretuer pour préserver l'harmonie. L'humain est totalement possédé. Quand ça va mal dans vos vies, que faites-vous? Vous détruisez. Quand ça va bien, vous détruisez. Bon, alors à un moment donné, t'es nerveux, là, tu viens de gagner quelque chose, tu vas fumer, tu vas manger de la cochonnerie, du sucre, on se détruit. Sans arrêt, l'humain est là, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit. Mais pas l'être humain. Si je pose la question, es-tu intelligent de fumer? Bon, l'humain qui est pas trop égoïque va dire non. Là, on pose la question, pourquoi tu fumes? Mais ça sert à qui? Parce que t'es possédé, parce que t'es manipulé, parce que c'est pas toi qui fumes. Mais ça sert à qui exactement que l'humain soit possédé? Ça sert pas à l'humain. C'est quoi le dessin de ça? Ça échappe au cadre de la conférence de ce soir. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que oui, l'humain est possédé, puis on est possédé de façon à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Prenons l'exemple du Nazaréen, de Siddhartha Gautama, de quelques autres. Parlons de Nazaréen plus connu ici. Jésus-Christ. Lui vient dire qu'il n'est pas venu pour la paix, il n'est pas venu pour maintenir l'harmonie, il est plutôt venu pour mettre le bordel. Bon, il est venu, après son passage, à un moment donné, même les fils vont se battre contre leurs parents. Et tu sais, bon, c'est quoi? C'est la déstabilisation complète des systèmes. À un moment donné, il y a des gens qui disent qu'un jour l'Antéchrist va venir. L'Antéchrist, il y en a plus qu'un. Ils sont déjà là, puis c'est pas moi. Bon. Anté, ça veut dire avant du point de vue principe. Une antichambre, c'est aussi avant. Ça dépend de l'étymologie. Alors, les gens disent anté, anti veut dire contre. Anté, anti veut dire avant. Mais l'anti, celui qui vient avant, l'anté, celui qui vient avant, sera nécessairement anti-contre. Même s'il travaille avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se pointer, quelques grandes gueules, qui vont venir forcer l'humain à briser les formes psychologiques de ce que c'est que le Christ, de ce que c'est que Dieu, ou les dieux, parce que chaque fois que l'intelligence est descendue quelque part dans l'humain, l'humain a fait une religion. Puis dans les années qui vont venir, ça ne se reproduira pas. L'intelligence va descendre uniquement dans les êtres capables de recevoir de l'intelligence sans faire de la spiritualité, et il y aura une prise de gestion qui va se faire, ça va créer une religion mentale à l'échelle de la planète, alors que présentement c'est une religion émotive. Mais l'intelligence ne deviendra pas une religion, comme ça a toujours été le cas. Mais ce qu'on doit comprendre, simplement, c'est que partout où il y a stabilité, il y a la mort. Puis tout ce qui se passe à l'intérieur des humains en termes de possession, c'est ce qui les amène à vivre la mort. C'est-à-dire à ne rien changer. Tu veux améliorer ta condition? On ne veut pas. Tu rentres à l'oratoire en disant « j'ai une jambe de bois, tu la connais? Mon Dieu, faites que ma jambe soit comme l'autre, sors deux jambes de bois. » Continuellement, l'humain se fait limiter. On doit l'observer. T'es possédé. Maintenant, une chose absolument importante de comprendre, c'est que si tu es possédé, c'est que tu es là. Puis celui ou celle qui est là, c'est l'individu qui continue, malgré le fait qu'il est possédé, à vouloir améliorer les choses. À vouloir que l'aigle ne vienne plus arracher la tête du petit écureuil roux qui est en cours. Mais ça fait partie du principe même de la nature et de la beauté de la création de Dieu que l'aigle vienne y arracher la tête, puis que le loup égorge le chevreuil, puis que votre fils se fasse violer à un moment donné. Ça fait partie de la création. C'est essentiel. Puis dans une société comme la nôtre, par exemple, où il y a énormément de karma noir qui se ramasse, bien, à un moment donné, le karma noir doit être, disons, dilué. Alors, à un moment donné, il y a un individu plus faible psychologiquement, pour un paquet de raisons, bien, le karma noir descend dedans, flou! Mais lui, il saute sur quelqu'un, il bat, il tue, il massacre, il l'enlève, il kidnappe, fait un vol, ça vire croche. Puis là, le karma noir, la société est un peu diluée. Ça fait partie des principes d'harmonie. OK? Bon, c'est comme ça. L'être humain, lui, c'est quelque chose d'autre qui se pointe quelque part dans un principe d'harmonie. Puis son rôle fondamental, c'est de créer la dissonance, de créer la désharmonie. Mais la désharmonie, c'est d'engendrer par l'intelligence une forme d'équilibre instable. Et l'équilibre instable, c'est l'expression vivante de l'intelligence. Et pour que l'équilibre instable puisse être amené par l'intermédiaire de l'homme dans le monde de l'homme, il faut que l'être humain puisse, à un moment donné, se déconnecter des mécaniques qui le manipulent, puis se connecter à des mécaniques qui lui appartiennent. Exactement comme s'il faut que tu te déconnectes de l'énergie alternative qui fait en sorte que tu as de la misère à fonctionner pour te connecter à ton énergie qui est une énergie continue au niveau du courant. Autrement dit, l'être humain, présentement, lorsqu'il descend dans le corps physique, il prend possession d'un corps physique, qui ne lui appartient pas, qui est relié à des mémoires astrales dans le genre traditionnel. On a toujours fait ça. On voit pas pourquoi ça changerait. Quand la femme subitement est devenue consciente, un petit peu, l'homme est un petit peu conscient. Quand la femme est devenue consciente, un petit peu, qui était esclave de l'homme, bien là, ça a voulu changer. Qu'est-ce qui se passe? Même les femmes étaient contre la femme. Évidemment, les hommes étaient contre l'homme. Contre la femme. Parce qu'il y a des hommes qui étaient contre la femme, il y avait des hommes contre l'homme qui étaient pour la femme. Il fallait créer un problème du côté des hommes, un problème du côté des femmes. Bon. Il y a des femmes qui trouvaient que c'était bien correct, il y a des femmes qui n'aimaient plus ça du tout, peut-être ci, peut-être ça. Du moment que l'être humain vit un peu de conscience, il change les choses. Mais du moment qu'on change les choses dans le cadre prédatorial harmonique actuel, on fout le bordel. Donc, toutes les structures de, appelez ça la nature, vont s'arranger pour que vous ne puissiez pas foutre le bordel. Puis à un moment donné, parce que l'être humain est relié de l'intelligence, à de l'énergie, c'est sûr que son petit bordel prend le dessus. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique intéressante qui... Tous les êtres humains qui pensent ont un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée a pour fonction d'ajuster la pensée. C'est pas compliqué à dire. Qu'est-ce que c'est qu'ajuster sa pensée? Au départ, on doit vibrer, on doit avoir découvert, on doit se rendre compte qu'on ne pense pas, qu'on pense dans sa tête, qu'il y a quelque chose qui vient penser à notre place et que nous, on ne pense pas. On pense qu'on pense. Mais déjà là, ça naît de la possession, ça là. Oui. Puis déjà là, pour plusieurs personnes, ben oui, on c'est moi qui pense. Là, quand je leur dis, pense à une rose, ben, il n'est pas capable. Je dis, la rose, elle se déforme, il finit l'affaire, il est infime, il est imbécile, c'est lui qui pense. Là, quand la personne pense à quelque chose de traumatisant qu'elle n'aime pas, je lui dis, ça reste d'y penser. Ah, ça revient tout seul, ça se promène par là, ça va être donc. Puis on vient encore, va te coucher, puis dort, tu peux pas, ça pense dans ta tête, ça va être donc, ça y va par là. Puis quand tu dis, c'est pas toi qui parle, ah ben là, il est con. Tout pour que l'humain reste dans l'obscurantisme. Tout pour que l'humain ne se réveille pas. Écoutez, c'est pas grave un jour de penser qu'on pense pas. Puis dans 10 ans, si vous découvrez que vous avez toujours pensé, c'est tout, ça va rien changer à votre vie. Sauf que si c'est pas vous qui pensez, puis que sans arrêt vous exécutez tout ce qu'on vous fait penser, puis qu'en plus vous pensez que c'est vous, à cause de vous que ça va mal, à cause que vous avez pensé ci, vous pensez ça, là j'ai des mauvaises pensées, là. Faites attention. Casse-y la gueule. Mais bon, en apprenant à communiquer avec son ajusteur de pensée, c'est-tu apprendre à lui casser la gueule? Oui. Moi je dis que si un jour toute l'humanité pourrait décider de faire la grève devant les dieux, avec de rien de ses bras ou ses camarades en haut. On prie plus. Aucune religion. On prie plus. C'est guérissez les malades, là. Hein? Puis organiser les handicapés, là. Hein? Puis faites en sorte qu'on cesse de se casser la gueule mutuellement pour rien. Puis les ceux qui sont malades, là, qui ont besoin de violer, de tuer, de piller ou n'importe quoi, là, régler les dons. Hein? Pas de leur faute, ils sont de même. Ah, oh, c'est à cause de jeunesse, c'est à cause de n'importe quoi. On prie plus. Mais est-ce que les religions ont autant... Tu verras ce qui se passe en haut. Mais les religions là, ont autant de monopole que ça? Dans le sens, ils ont assez d'énergie pour guérir les handicapés, pour tout gérer? Absolument. Ah, il ne reste plus rien en haut après à prier, ce sera tout en bas. Absolument. Sauf que présentement, l'humain ne fera jamais ça. L'être humain vient subventionné, il ne pourra pas le faire. Il y aura toujours, toujours du monde. Celui qui ne croit pas, là, quand le croyant va commencer à cesser de croire, celui qui ne croit pas va commencer à croire. Largement. Bon. Mais c'est une manière de faire un syndicat. C'est ce qu'il faudrait que l'humain fasse. Mais l'humain va se casser la gueule, il se casse la gueule sans être syndiqué. Déjà. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais ça fonctionnera en maudit si ça marcherait. Tu vois. Ce qui est important, donc, c'est que l'être humain doit, à travers... L'être humain, c'est un phénomène génial. Être capable de prendre de la matière, la faire parler, la faire dessiner, la faire bâtir des constructions, la faire découvrir la tristesse. C'est con d'être triste. Et quand on est triste, c'est parce qu'on vibre de l'inesthétisme. Et ça, c'est génial d'être capable, dans une unité carbone, de vibrer de l'inesthétisme. D'être triste de voir quelque chose, de trouver ça plate, d'être en colère contre une affaire. C'est sûr qu'on est charrié là-dedans, à un moment donné, on est en colère, on ne sait plus pourquoi. En colère, c'est une panne de courant, puis là, on bûche sur le mur, puis on voit rien, puis bon. L'humain est possédé, c'est pas compliqué. Tu sais, je le dis souvent, ma parole a dépassé ma pensée. Il était où pendant que tu parlais de bord? c'est ce qui arrive. On est fait. Mais l'humain, c'est quelque chose de génial. La problématique, c'est que l'humain s'identifie en permanence, presque, à tout ce qu'il n'est pas. L'humain s'identifie à l'expérience de ce qu'il a été, mais l'humain n'est pas capable de s'arrêter à l'identification de ce qu'il est. Qui es-tu? Ah, moi je suis, puis c'est dans le tour du passé qu'on va jaser, libérant tout de suite qui es-tu. Et on est mal pris. Quand je parle mal pris, c'est mal pris en maudit. Moi, ce que je veux que vous compreniez, parce qu'à un moment donné, on peut trouver que c'est peut-être un peu déprimant. C'est pas déprimant. On est dans le pire des mondes. Qui, on a beau se compter n'importe quoi, oui, mais c'est pas si pire. Justement, c'est pas si pire. On dit pas, c'est bien, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça va pas si mal. Et on est du bon monde en tabarnouche. Chance qu'on est du bon monde, parce qu'il y a du monde là-dedans, il y aurait des énergies, des entités qui auraient des problèmes. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que malgré qu'on constate qu'effectivement, on est sur un système prédatorial, on parle des créateurs de l'homme qui ont créé ça génialement. Bon, on a un métabolisme qui est capable de manger une pomme, puis là, ça fait des cellules, puis bon, c'est génial. Moi, j'aimerais mauditement mieux juste respirer puis continuer à vivre. Ça va être facile. Et là, il faut que j'aille cueillir, il faut que j'aille planter, il faut que j'aille me battre pour des terres, il faut que j'aille tuer des animaux, il faut que j'aille nourrir des moutons pour avoir de la laine pour geler l'hiver. On a un point de vue très beau de la création. Puis je peux vous en donner un point de vue très intéressant. Les non, mais c'est parce beau, qu'on s'est rendu, on s'est rendu ça supportable non, parce qu'on était dedans. C'est ce qui est génial, c'est de voir comment on a pu rendre ça compliqué. Oui, on est génial. Et avoir été capable de finir par aimer ça être ici. Amenez-nous n'importe quelle planète en problème, on va les organiser. Dans deux semaines, ils vont être heureux d'être ici. Ah, c'est génial! On est malade, hein? C'est un bon côté, on apprend bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, lui, il y a quelque chose chez lui qui le force en permanence à améliorer, c'est-à-dire à détruire l'équilibre, à détruire l'harmonie. Je n'ai pas le bol que ça meurt parce que ça vient au monde. Mais que ça cesse de naître d'abord, puis que ceux qui soient là cessent de mourir. Hein? Au minimum, il faut qu'il se passe. Oh, mais là, c'est un grand rêve de l'humanité. Écoutez, ça se peut pas que vous veniez au monde. Ça se peut pas que vous soyez petit puis que vous grandissiez en mangeant des pommes et des oranges. On le voit, mais ça se peut pas. Mais si ça, ça se peut pas, tout le reste, ça se peut pas non plus. Et si ce qui se peut pas se fait, tout le reste se fait. On est dans un monde de mensonges total. Ce qui est important de comprendre, c'est que on doit être capable de se dissocier du mauvais plan. Il ne faut plus participer. Oh, on va continuer à manger, on va continuer à polluer, on va continuer à... Bon, c'est correct. À tuer par délégation, quand tu manges la viande, l'autre t'a tué pour toi. C'est la même chose. Bon. Puis on a cultivé dans des pays pour te nourrir. Ça meurt de faim là-bas. Si tu fais des pseudo-génocides, de toute façon, par délégation. L'être humain, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une pensée, c'est-à-dire qu'on pense dans sa tête, puis on lui amène tout un paquet de pensées. Alors, pendant des générations de vie, il va essayer de mettre au point des techniques pour contrôler sa pensée. Sans se rendre compte que s'il veut la contrôler, sa maudite pensée, c'est pas lui qui pense. Alors, au lieu de contrôler sa pensée, il devrait se rendre compte que c'est pas lui qui pense, puis il devrait ne plus suivre la pensée. Il y a une différence entre parler dans sa tête et penser dans sa tête. Il y a une différence entre parler à haute voix et penser à haute voix. La pensée, c'est un pirate, c'est un virus, c'est pas nous autres. Puis quand on se met à avoir des mauvaises pensées, puis on se met à s'identiser, là, les sinistres individus dominés par l'astral, on y va, on y va. À un moment donné, ben là, il faut qu'on se contrôle, ben là, on devient de mauvaise humeur, puis on devient déprimé, on se fait charrier. C'est subtil! J'appelle ça, moi, l'irritation. Ben, bon, un exemple, on prend quelque chose, on frappe. Ça ne dérange personne. Au bout d'une heure, vous allez voir. Mais c'est la même chose. On rentre quelque chose, vous vous levez le matin, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, puis lentement, pas de petite affaire, petite belle, petite niaiserie, on les accumule, puis bon, on vous amène. Vous décidez pas du tout, du tout, du tout. L'ajusteur de pensée, c'est un canot, c'est un canal énergétique. Puis quand je prends ces mots-là, c'est des mots pour désigner des choses. Mais c'est pas un vrai canal. OK? Mais on parle des mots pour que la conscience humaine, qui est tridimensionnelle, pourrait cadrer un petit peu pour certains avec le temps. Et disons tridimensionnelle dans sa vision, puisse comprendre un peu ce que je veux dire. C'est un canal qui permet à l'ego, qui permet à la mémoire, qui permet à l'astral, à l'âme, d'être relié à l'intelligence, c'est-à-dire d'être relié à nous autres. Sauf que chez 99% des individus de la planète, l'ajusteur de pensée il est relié au canal réincarnationnel. Ça veut dire quoi? Premièrement, il faut qu'on comprenne que la réincarnation, les mémoires, ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de notre vie chez nous. C'est pas une question de naissance, là, tu t'es réincarné de telle affaire. Ça réincarne sans arrêt, et c'est pourquoi on change de personnalité sans arrêt, au contact du milieu, au contact de l'expérience, puis au contact aussi de ce qui se passe au niveau réincarnationnel. L'ajusteur de pensée, c'est un canal intéressant, sauf qu'il est relié au canal réincarnationnel. Autrement dit, l'ajusteur de pensée, qui est une mécanique qui devrait normalement empêcher les pensées contradictoires aux mécaniques de l'intelligence de venir manipuler l'humain, l'ajusteur de pensée, lui, il est contrôlé par le canal réincarnationnel présentement chez la majorité des personnes. Autrement dit, tout le monde a un ajusteur de pensée, mais il ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien? Pourquoi il se branche sur l'âme? Puis t'as un tuyau pour rentrer de l'eau propre, puis il est connecté au tuyau d'eau sale. Mais comment ça que c'est? T'as deux fois plus d'eau sale dans ta piscine parce que t'as un ajusteur de pensée. Mais pourquoi il est connecté à mauvaise place? Pourquoi il revient sur l'angle? On s'en fout qu'il est connecté, là. Mais pourquoi il a été créé seulement si c'était pour aller se brancher là? Il y en a-tu des pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Moi, ce qui m'intéressait, ce serait de le débrancher et de le brancher à bonne place. Oui, c'est ça, mais si on savait pourquoi il est là, on... Non, c'est la philosophie. Je peux pas te dire pourquoi il est branché là après. Mais avant, on va expliquer pourquoi il faut le brancher ailleurs. T'en parlerai tout à l'heure, mon certain. Le culte, tu connais? Pas personnellement. Oui, oui, ça. C'est correct. Oui. Quand l'être humain reçoit un petit peu d'intelligence, il se conscientise. Quand l'être humain commence sa conscientisation, il commence à mettre fin à son évolution. L'évolution se fait tant que l'être humain n'a pas accès à la conscience. Quand l'humain commence à avoir accès à la conscience, l'évolution commence à arrêter, puis c'est la conscientisation qui commence. L'évolution, c'est l'accumulation d'expériences pour nous permettre d'être plus fonctionnels dans un contexte de vie. C'est l'évolution. Mémoire, j'apprends, je retiens. Puis mes mémoires sont les plus incrémentées, les mémoires les plus puissantes, c'est celles qu'apparemment je vais me rappeler plus facilement. Donc, plus on va vous répéter, plus vous allez vous rappeler. Programmation, c'est l'évolution. Lorsque l'être humain commence à se conscientiser, il commence à découvrir et à voir clair. Donc, il commence à vivre des frustrations. La frustration, c'est la friction entre le surplus d'énergie amené par l'écœurement puis l'ego qui en veut pas. Lorsque l'humain commence à s'écœurer sans se déprimer, parce que la dépression, c'est une soupape qui ouvre. On broye, on se drogue, on crie, on boit n'importe quoi. Et puis, on se déprime, puis après ça, c'est pas pire. C'est ce que l'humanité fait, elle évolue, elle se déprime. Oui. Maintenant, il y a une autre chose que l'humanité va faire pour ne pas s'écœurer, c'est qu'elle va s'occuper. On appelle ça se distraire. Si tu te distrais, tu occupes ta pensée, tu occupes donc ce qui peut arriver à la conscience, parce que quand la pensée est folle, la conscience, tu finis par te rendre compte que ça n'a pas d'allure. Si tu te distrais et tu t'occupes sans arrêt, ça va bien. C'est stable. Et c'est pourquoi les sociétés sont toujours arrangées pour donner le plus de distractions possible à l'humain. Sans ça, il vire fou. Quand on parle de virer fou, c'est qu'il devient écœuré. Écœuré, il devient frustré. Frustré, devient colérique. Là, il casse tout, il fait la guerre, ou il médite, il sort de la religion, et il rentre pas travailler, il fait une grève. Mais il ne faut pas que ça arrive, ça. C'est sûr qu'au départ, si on laisse l'humain arriver à la frustration, il va y avoir beaucoup de destruction sur la planète. Mais ça va être mauditement mieux après. Mais on n'a pas peur de la destruction, on en fait. On a peur du mauditement mieux après. Je parle pas de l'humain, je parle de ce qui habite l'humain. Alors, ce qui arrive, c'est que le peu de conscience qui commence à habiter certains humains les amène à la frustration et à l'écœurement. Ils en auront le bol, c'est pas long d'un paquet de choses. Lâche la religion, parce que là, écoute, là, c'est écœurant, puis ils m'ont fourré. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'est pas encore capable de laisser quelque chose avec intelligence. Ah, mais la religion, ben là, je la laisse. Pourquoi? Parce que ça répond plus à mes besoins. Non, parce que c'est niaiseux, parce qu'il faut qu'on haïsse pour lâcher. On n'est pas encore capable de laisser par intelligence. Je m'en suis servi, j'arrête. C'est fini là. Je continue mon chemin. On a vécu ensemble longtemps, ça ne marche plus, on arrête. On va rester amis, pas de problème. Quelqu'un veut aller à l'église, bien vas-y à l'église, il en a besoin, va te confesser. Quoi, tu crois à la confession? Absolument. Tu te sens coupable, va te confesser. Tu crois pas à la religion? Va voir le psychologue. Il va te confesser sa façon. Viens me voir, va te confesser à ma façon. La meilleure chose, on va voir ceux à qui t'as fait de quoi. Fais, ben notre main. Les étages sont différents, les principes sont les mêmes. Là, ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, donc, il devient frustré. La frustration, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée, là, je vous dessine ça, là, mais... Elle finit par détacher le canal ajusteur de pensée au canal réincarnationnel, puis elle le déconnecte de là. Alors, il va arriver à un moment donné que lorsque l'humain devient suffisamment écœuré, qui en a suffisamment ras-le-bol, pas de tout nécessairement, mais de certaines choses. C'est stupide, j'en peux plus, c'est niaiseux. Je suis pas dans le bon temps, je préfère bonne planète, il y a un paquet de boue, on va dire. Quand l'humain en a ras-le-bol, le canal finit par se détacher s'il se déprime pas. Donc, s'il est capable de supporter son écœurement, ça se détache. Quand ça se détache, l'humain perd subitement une grande partie de ses motivations à vivre. Pourquoi? Parce qu'avant, ton eau sale rentrait par deux tuyaux dans ta piscine, puis parce qu'il s'est détaché maintenant, il rentre apparemment une trace de moins. Donc, il rentre moins de saleté apparemment. Là, ce qui arrive, c'est que vous êtes assis devant votre télévision, puis là, subitement, vous vous dites, ah, c'est une bonne Kit Kat, ça serait bon, hein? Pourquoi vous avez pensé à ça? Rien. C'est plein de phénomènes de pensée qui passent sans arrêt, ça arrête et part. Bon. Il n'y a pas de Kit Kat. Il y en aurait. Bon, là, tu cherches de quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y aurait bien, puis tu fouilles, puis j'aurais dû l'acheter, puis bon. Quand tu viens pour l'acheter au dépanneur, ben non, à l'épicerie, ben. Ah, oh, c'est pas bon pour la santé, ça, là. Ça, c'est quand il commence à débrancher, là, puis ça fait débrancher. Ça. Là, on commence à niaiser pas mal. Quand il en veut, il y en a pas. Quand il peut en acheter, il en veut plus, parce qu'il sait quoi, quoi, bon. Mais là, ce qui est intéressant... Mais tout ça, c'est correct, pourquoi ça là, arrive, là. Ça? C'est parfait. Non, c'est pas... Non, mais c'est correct, ça, là. C'est correct. Moi, c'est pas... Non, je suis pas d'accord de souffrir, mais ce que je veux dire, ça amène exact. À quelque chose de correct. C'est ça. C'est pour ça que plus les individus qui vivent ça, là, sont au courant, moins ils vont souffrir profondément pour rien. La souffrance, c'est inutile. Bon, mais la souffrance, c'est ce qui, quand l'être humain est inconscient, le force à avancer. Fuir la souffrance, puis rechercher le plaisir. Ça, c'est l'évolution de l'humanité, sans arrêt. Bon, fuir la terre, rechercher le ciel, fuir n'importe quoi, bon, pour aller rechercher le plaisir. Sauf qu'à un moment donné, l'humain devient intelligent, il va commencer à se conscientiser, donc il va avancer par intelligence. Là, ce qui arrive de plus en plus, c'est que votre canal étant libre, on va moins vous charrier, mais vous allez être moins stimulé à la vie. Autrement dit, vous allez vous ennuyer un peu plus facilement, un peu plus vite. C'est plus plat. Viens-tu au tennis? Viens-tu au tennis, tu sais. On va mourir dans 50 ans, mais viens-tu au tennis? Viens-tu au tennis? Et pop! Tu cours en haut. Pop! Tu sais, on a dit viens-tu au tennis? T'es sur la terre! Viens-tu au tennis? Bon, là, le canal est débranché, mais il est branché nulle part. Alors, t'as pas assez de stimulation pour aimer la vie, puis t'as juste assez de conscience pour l'haïr. Mais y aurait-tu un moyen de le brancher quelque part pour avoir de l'énergie, au moins? Parce que ces gens-là sont... Bon, elle est pas pour elle. C'est correct, c'est une bonne petite fille. Bon. Ben, c'est un bout de plate à passer, ça. Oui. Mais si on crée l'harmonie quand ça arrive, le canal va se brancher. C'est carré. Non, c'est ça, mais y a pas une autre place. Non, il faut que l'humain... La seule façon pour que l'humain puisse être heureux, joyeux, à travers sa transition vers la conscience, de l'évolution de la conscientisation, c'est qu'il comprenne les mécaniques. Et pour comprendre les mécaniques, il faut que l'humain en parle, les mécaniques. Il faut que l'humain garde dans son salon. Il faut que l'humain en jase, les mécaniques. Il faut que l'humain rencontre des individus puis qu'il vive avec des individus capables de parler de la mécanique. Pas d'en faire juste des discussions de salon égoïques, mais capables d'en parler de la mécanique. Parce que sans cela, ça va être un peu souffrant parce que tu es toujours confronté entre je veux pas, je suis pogné à le faire, c'est pas vrai, mais ça marche en maudit. C'est là que l'esprit martyre la transition, c'est là qu'il lui, il est toujours entre deux. Là, il est... Longtemps. Non, mais où, ça veut dire que. Est-ce qu'une bonne manipulation, c'est faire en sorte que les personnes restent seules à faire une prise de conscience, mais seules? C'est ce que. Vraiment, le problème c'est dans le système planétaire, c'est que toutes les structures sociales, religieuses et scientifiques, grande majorité en tout cas, n'essaient pas d'aider l'humain à s'en sortir, ils essaient d'aider l'humain à ne pas souffrir. C'est louable. Mais le gros problème, c'est que si vous êtes en train de dire, là, vous avez 52 ans, vous voulez lâcher votre emploi parce que sacrableux, ça vous tue, c'est pas ça. Vous allez voir le psychologue de la compagnie, il va s'organiser pour vous restiez dans la compagnie. On va être bien. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est que vous cessiez de vous en faire pour rien. Et il a raison. Vous allez mourir. Fait que, cessez de vous en faire. Hey! Ça va se régler bientôt. C'est simple. Sauf que la crise chez l'individu, c'est ce qui va lui permettre de changer. La mort du corps physique, il y a même des affaires qui échappent encore à l'humain, hein? C'est pas ça la mort. Mais ce qu'on va faire, Tu vas voir le prêtre, c'est la même chose. Je veux lâcher ma femme. Écoute, compte-moi ce qui va pas. Là, il va s'organiser pour atténuer. Du point de vue humain, c'est louable en ce sens qu'on aura le bol de la souffrance. Mais le mot du problème, c'est qu'on devrait instruire l'humain plutôt que d'atténuer sa souffrance. Mais c'est comment dire, il n'y a rien comme ça. On ne l'instruit pas. Oui, mais lui, il éduque. Mais il sait pas, lui, le curé ou le psychologue, il ne sait pas. Je sais. Mais je pense justement, c'est le problème au niveau planétaire. C'est qu'on n'instruit pas, on éduque. Éduquer, ça veut dire quoi? C'est vous montrer comment être. Non, mais de toute façon, les autres, bon, ils font ça pour bien faire. Bon, c'est ça, c'est correct. Avec des jeunes, souvent, qui en auront le bol de l'école. L'école, c'est ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À peu près tous les adultes qui vont voir vont les éduquer à aimer l'école. Alors que dans l'intelligence de ces enfants-là, ça n'a plus de sens. Tu vas voir les professeurs individuellement, puis 80% vont te dire que les jeunes ont raison. Non, puis qu'en plus, ils ont vécu à l'école. Mais tout le monde s'arrange pour s'éduquer à aimer ça. Quand il était étudiant, lui aussi, il haïssait l'école. Mais c'est évident. Mais c'était pas pareil. Non, non, ça arrête là. Bon, ça veut dire que, bon, ça veut dire que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'ajusteur de pensée puis ils leur branchent. Exact. Le travail de la majorité des structures planétaires va faire en sorte qu'on va t'arranger toi pour que tu élimines les risques d'instabilité. Donc, tu vas inconsciemment prendre l'ajusteur de pensée qui est maintenant libre, tu vas leur brancher au canal réincarnationnel. Mais t'as rappelles-tu, c'est quand même bien que ta femme, c'est bien que ton mari. Elle fait des petits plats, c'est passé ci, c'est passé ça, quand t'es allé en Angleterre ensemble. Là, c'est le passé, la mémoire, ça crée un système d'attraction assez fort qu'on te rebranche. Puis à un moment donné, bon, c'est vrai, puis là, c'est vrai, c'est pas si bien. C'est pas si bien. Dans le fond, il y en a des pays comme moi, puis il y en a d'autres qui crèvent de faim, puis là, finalement, tu retournes chez vous, puis l'énergie que t'avais pour pouvoir te rebrancher quelque part ailleurs, mais tu viens de la. Et on a mis du bon sur ton cœur. Il faut que la conscientisation soit quelque chose de plaisant, mais la seule façon d'y arriver, c'est par l'éducation. Quand on a commencé à lâcher les choux, puis les roses, là, puis les abeilles, puis les affaires-là, pour parler de sexualité, ça a créé tout un maudit paquet de problèmes. Mais on était rendu à un point où si on n'expliquait pas, on en aurait eu bien d'autres problèmes avec les maladies vénériennes, les maladies transmises de soi. Ça, il y a des... Bon. Parce que il faut absolument instruire. Mais si on éduque, on peut pas l'avoir. Là, lorsque l'être humain a un ajusteur de pensée débranché, ça veut dire qu'il est capable de se rendre compte qu'il est charrié, puis c'est-tu niaiseux, puis tu as vu comment c'était, puis là, t'as juste chialé. Là, il y a le danger de rester pris dans le cercle vicieux de la mentalisation. Donc, on doit travailler avec l'ajusteur de pensée pour ne pas tomber dans la mentalisation. La mentalisation va faire en sorte que vous allez être capable de vivre et vous allez continuer à voir que tout est stupide. Et vous ne pourrez jamais aller au-delà de ça. Mais là, tu dis éduquer, là, c'est s'éduquer soi-même. S'instruire. S'instruire, mais de quoi et qui? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'éducation, qu'est-ce que c'est l'instruction? L'instruction, c'est quand on vous donne l'information relative aux mécaniques qui dirigent vos vies. On vous instruit. L'éducation, c'est quand on vous montre comment vous devriez utiliser les choses. C'est plus de la morale, ça, là. Mais c'est nécessairement moral, l'éducation. Et là, le problème, c'est que si on vous montre comment vous pouvez utiliser les choses, on bloque chez vous votre créativité. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que vous ne soyez pas marginaux ou marginal. Faites-le comme tout le monde. Alors, l'instruction, c'est que quand il y a une pénétration sexuelle d'un pénis dans un vagin, ça va engendrer un bébé, probablement, à un moment donné. L'éducation, c'est que vous ne devez pas le faire, vous n'avez pas marié. Ou encore, capotez pas. Pour avoir un bébé. L'éducation, ça va être pourquoi vous devriez aimer aller à l'école. Mais l'instruction, ça va être pourquoi c'est stupide de ne pas y aller et pourquoi c'est stupide d'y aller. Parce que tu dois apprendre des mécaniques. On t'instruit. Bon, c'est simple, on t'instruit. Bon. Non, mais oui. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Rien que de savoir ça, là, ça ne change rien. Quand on t'instruit, là, nécessairement, on va engendrer l'écœurement chez toi. Bon, mais je prends l'exemple d'un jeune qui dit, bon, je suis d'accord, il faut que j'aille à l'école, là, je comprends, bon, je vois ce qui n'est pas correct, je vois ce qu'il faudrait qu'il soit fait, je comprends, il faut que j'y aille pareil malgré ça, mais ça ne change rien, c'est plate pareil. J'aimerais vivre une autre situation. À l'école, pareil, mais là, à un moment donné, là, que ça ne marche pas. Ça marche pas parce que tu n'as pas instruit ton enfant convenablement. Tu l'as pas instruit. Oui, mais là, c'est que là, on va tolérer une situation. Tu n'as pas le choix de la tolérer tant que tu ne peux pas la changer. Ah, mais là, c'est ça, mais j'avais l'impression. Tu peux aller maudit au changement. Oui, mais c'est ça, mais j'avais l'impression, là, qu'avec le choix de penser, là, ça s'en allait vers un changement, la possession. Faut faire attention. Si le parent est instruit des mécaniques de la vie, c'est pas long, son enfant, il va le retirer de l'école, ça n'a pas d'allure. Si là où il l'envoie à l'école, ça a d'allure, il va le laisser là. Il faut que le parent soit instruit. C'est juste l'enfant qui est instruit. L'enfant devrait être instruit, puis mieux de continuer à aller à l'école 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à temps qu'il puisse en aller sans avoir plus de problèmes. Bon, c'est pas épais d'aller à l'école, ça te permet d'éviter les problèmes sociaux. Mais l'école ne t'apprendra rien. Il y a plusieurs enfants qui n'ont rien à apprendre à l'école. Mais là, je ne veux pas qu'on parle de l'école. Je te donne un exemple d'instruction. Oui. L'éducation, ça va être ce que tu devrais faire pour déplaire à personne. Puis l'instruction, c'est les mécaniques clés. Si j'instruis l'humain comment prier, il va commencer à donner des ordres à Dieu en haut en tabarnouche. Comme le matériel l'a fait. Mais si on éduque l'humain à prier, il va constamment mettre de l'énergie en haut sans jamais rien avoir en retour. Il va à peu près faire Mais qu'est-ce qu'on fait là? Là, on éduque. On instruit. Quand je parle d'instruction, puis souvent les gens en conférence viennent, puis quand ils repartent, ils disent, ouais, ben là, c'est sûr que c'est pas aussi calme qu'avant, parce que maintenant qu'on a de l'instruction, l'éducation va faire en sorte qu'on va oublier notre instruction. L'être humain est possédé, c'est d'instruction. Puis ça, c'est pas. Quand je parle d'instruction, je parle de mécanique. Mais c'est pas une question de croyance. Vérifiez. Faites ce que vous voulez faire. Et décidez pas que vous voulez faire ce qu'on vous oblige à faire. Et moi, je veux servir mon maître. Je veux, pas un esclave, voilà. C'est bien beau. Mais quand ta conscience va commencer à rentrer chez toi, tu vas te rendre compte que je veux servir mon maître. C'est mon maître. Là, tu ne voudras plus le servir. Là, il va te fouetter. Là, tu vas te dire, tu vois, j'aurais dû continuer à le servir. Je serais bien mieux avant. Parce que plus on est conscient, plus ça semble aller mal. C'est normal, on veut te punir. Il ne faut pas que l'humain s'éveille. L'ajusteur de pensée, quand il commence à être sorti, pour arriver à communiquer avec lui, tout ce que vous devez faire, c'est tout ce que vous devez faire. En tout cas, ce qu'il faut faire, un, on ne doit pas s'attendre à une communication orale. Un ajusteur de pensée amène de l'énergie, il amène de l'intelligence. Donc, une énergie qui n'est pas mémorielle. Le canal réincarnationnel, la corde d'argent pour ceux qui parlent de voyage astro, ces choses-là, ça amène de l'énergie, qui est mémoriel. Ça amène de la pensée. Donc, vu que c'est mémoriel, c'est formé. Ça amène de l'information. Alors, quand on est relié au canal réincarnationnel, par la méditation, par la transe, par l'accident, par la vie, par le rêve, on reçoit de l'information. Donc, on amène de la forme à l'intérieur de nous autres. Et là, on voit un bateau, on entend parler, les mots, c'est une forme. Quand on communique avec son ajusteur de pensée, on n'a pas d'information. C'est-à-dire que l'énergie rentre sans forme. Et là, l'humain a des problèmes là-dedans parce que l'ego veut avoir un contact avec l'ajusteur de pensée. Pour avoir un contact avec l'ajusteur de pensée, pour que l'ego pense qu'il y en a un, il doit y avoir de la forme, de l'instruction. Moi, quand je vous parle, je ne sais pas ce que je dis avant, puis je ne l'ai pas pensé avant. Je le dis, en l'écoutant, j'entends ce que je dis, puis je sais si c'est valable ou pas. Parce que de temps en temps, ce que je dis, c'est pas valable. Bon. Puis celui qui écoute de faire la même chose. Ce qui est important, donc, c'est que l'individu qui a un contrôle, qui a un ajusteur de pensée qui est libre, il doit uniquement, au départ, s'arranger pour observer et mettre fin, se servir de l'ajusteur de pensée, juste observer le travail de l'ajusteur de pensée. Le travail de l'ajusteur de pensée, au départ, ça va être de venir briser les pensées qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intelligence. Sont pas esthétiques. L'intelligence, c'est toujours esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te rends compte de telle chose, tu as toujours pensé que c'était correct, puis subitement, tu vides que c'est stupide. C'est pas correct. C'est pas ça. Mais là, tu te dis pas, ah, tiens, c'est mon ajusteur de pensée. Ça sert à rien. Mais c'est ça, la communication. Là, c'est évident que l'ajusteur vient de communiquer, il vient de briser ta pensée. Ah, mais c'est lui qui communique et non nous. Exactement. C'est par le biais de l'ajusteur que la communication se fait. Mais en fait, lui et nous, c'est la même chose. Ce n'est pas des voix à qu'on entend. À un moment donné, oui, mais parce qu'on parle souvent à l'ego, on va dire non présentement. Mm-hmm. Pour ça, je dis que c'est par le biais de l'ajusteur que la communication va se faire. Bon, à un moment donné, tu as une prise de conscience rapide, là, tu te rends compte que t'as barnouche, c'est épais, c'est niaiseux, on vient de fractionner ta pensée, puis immédiatement, il y a de la conscience qui apparaît là-dedans. Le problème de l'humain, c'est qu'à l'instant où la conscience apparaît, l'ego veut tout de suite s'en servir. Oh, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Tu fais rien. Le rôle de l'homme, c'est pas tout de suite. Mais au départ, on doit s'éveiller. Le dormeur doit s'éveiller. La conscience doit s'émanciper, elle doit apparaître, elle doit grimper. Pour que la conscience grimpe, on doit laisser l'ajusteur évidemment communiquer. Quand je dis à l'être humain, La conscience doit prendre de l'expansion. Et la conscience, c'est uniquement la vision réelle des choses. La conscience, c'est pas que tu vas aller acheter un billet de loterie gagnant, puis la conscience, c'est pas que tu vas guérir d'un cancer de pied. C'est pas ça, la conscience. Ça, c'est des résultats secondaires de la conscientisation. À un moment donné, ça va arriver. Mais la conscience, c'est uniquement une vision extra-lucide, une vision claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on se conscientise, plus on se rend compte de ce qui se passe, puis d'où nous sommes, d'où on est placé. Et plus on est conscient, plus on découvre le mensonge cosmique, plus on découvre l'illusion, et plus on découvre les subtilités dans les subtilités dans les subtilités. La subtilité la plus vaste, la plus subtilité épaisse, c'est quand l'individu découvre qu'il est manipulé. Puis là, il se promène sur la rue, puis là, il dit « Hey, si, tu sais comment il est manipulé? Tu sais comment il est manipulé? » Il se rend pas compte qu'il est manipulé à juger autrui. Bon, à un moment donné, il se rend compte que tu as vu que « Sacre bleu, je suis manipulé? « Hey, c'est assez! » Là, il voit les subtilités, là. Mais m'en a dit, je ne fais plus rien. C'est de manipulation, ça aussi. Si il est intelligent suffisamment, puis s'il relâche dans sa conscientisation, il va se dire, c'est vrai que là, je peux être manipulé à dire que je peux être manipulé, mais c'est ça. Bon, si je peux rien changer, je ne change rien. Parce qu'au départ, je le dis souvent, surtout aux conférences, aux cerveaux, séminaristes, c'est qu'il y a le savoir qui apparaît. Par le biais de l'ajusteur de pensée, c'est le savoir qui apparaît en premier. Le savoir vous amène à voir. Et ça amène à rien d'autre. Donc, l'humain se frustre, l'humain s'écarte, puis l'humain ne peut pas s'exprimer. Le deuxième vecteur amené par l'intelligence supramentale, ça va être la volonté. Là, l'humain va progressivement être capable, maintenant qu'il sait, de bouger les choses. Mais au départ, tout ce qu'on doit se contenter de faire, c'est de se rendre compte que l'eau qu'on boit n'est pas bonne. Puis de dire, par contre, si j'en bois pas, je vais mourir de soif. J'en bois quand même, mais pas bonne. Alors que tout le temps, on se faisait dire que c'était ça qui était bon. Quand ça goûte de même, ça te pique là, puis ça te chauffe la langue, il pousse des boutons, c'est bon. À un moment donné, tu te rends compte que ça fait tout ça, mais c'est pas bon. Mais j'en bois pareil. J'ai pas le choix. Mais c'est pas bon. Je le sais. Puis là, l'humain qui est égoïque va dire à quoi ça sert de savoir. Ça me sert à rien. Mais je suis pogné à conscientiser, je suis pogné à découvrir. Je vais cesser de souffrir de découvrir, je vais commencer à en rire. Puis à un moment donné, ça va te servir quand tu vas avoir suffisamment d'énergie que la volonté va commencer à apparaître. Quand tu vas être capable d'exprimer ce que tu es à l'intérieur de tes véhicules planétaires. Parler de son ajusteur de pensée, ça veut donc dire, ou entrer en communication avec son ajusteur de pensée, ça ne veut pas dire « Allô, allô, allô, es-tu là? » Et ça répond « Oui, c'est pas lui. » Parce que la communication avec l'ajusteur de pensée n'est pas formée. Ce n'est pas une forme. Ça, l'humain a une grande, grande difficulté avec ça. Une intuition qui vous brasse dans le dos, là, puis qui vous fait bouger l'intestin, là, puis qui vous dit d'y aller. On va y aller en maudit. Hein. C'est astral aussi. Ça peut être bon, ça peut être pas bon, vous allez le savoir après. L'intuition supramentale, un contact pur avec l'intelligence, avec vous autres, par l'ajusteur de pensée, l'intuition, là, c'est juste une affaire qui passe. Vas-y pas. Fou, c'est pas ça. Mais ça n'a rien laissé dans le corps physique. Puis ça, on n'y croit pas. Mais c'est la même chose avec toutes les communications de l'ajusteur de pensée. C'est. Vous le savez. Vous le savez. Vous venez pour faire quelque chose de pas correct, là, puis vous savez. C'est la communication avec l'ajusteur de pensée. Et plus on va être capable d'être attentif à ce que vous savez, que vous le fassiez ou pas, plus on va être attentif à ça, plus on communique avec l'ajusteur. Fait que la façon de communiquer avec son ajusteur, c'est simplement de conscientiser ce qui vient de se passer. Je vais boire, par exemple, une cochonnerie, alors je la prends, je l'ai su l'espace d'un millième de seconde que c'était pas ça. Il fallait que je boive. Mais si j'en prends conscience, là, je communique avec. J'ouvre le canal. Je vais boire quand même. Mais à un moment donné, là, je ne boirai plus de la même façon. À un moment donné, je ne boirai plus des cochonneries. Pour communiquer avec son ajusteur de pensée, il faut uniquement être vivant, donc être alerte à ce qui se passe. Vous savez tout? Bien, on ne s'écoute pas. Tellement ténu, il faut le développer. Et pour arriver à le développer, évidemment, l'autre façon, c'est de conserver l'écœurement. Quand je parle d'écœurement, pour moi, le mot écœurement est un mot intéressant. C'est pas quelque chose de mauvais. Ça équivaut à rire. Rire. Être écœuré, c'est ne plus être capable, énergétiquement, de supporter une manipulation absurde. Mais ça ne veut pas dire qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on se déprime parce qu'on n'est pas capable de rien changer la situation. C'est très, très, très important de comprendre la valeur de l'écœurement. Plus un être humain est écœuré, plus son ajusteur va être opérationnel. Mais l'écœurement n'amène pas la souffrance. Il y a un moment donné, on va être capable d'aller parler avec les manipulateurs, là, les régler quelque chose. Il y a de quoi régler quelque chose. Non, à un moment donné, ces manipulateurs-là ne voudront plus rien savoir de toi. Ça va au-delà, non, ça, mais hein? Après ça, on peut aller ils veulent rien savoir de nous, mais quand on veut qu'ils veulent rien savoir d'un groupe ou d'une place, où c'est plus large que nous, ça. C'est que l'humain pense toujours qu'il aura à se battre, qu'il aura à régler les choses. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tout ce qui s'adresse au corps animal de l'homme, corps mental, astral, vital et physique, tout ce qui le gère dans un système prédatorial sur tous les niveaux, au niveau astral, c'est prédatorial. Hein? Le dieu mormon envoie les fidèles conquérir le dieu Jéhovah parce qu'on va avoir les fidèles. Ça reste prédatorial. C'est la guerre sans arrêt sur tous les plans. Bon. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que quand toutes les lois qui sont attribuées au phénomène planétaire ne colleront plus sur l'être nouveau, l'homme, la femme ou l'enfant nouveau, ça va arrêter. T'as pas à placer. À un moment donné, l'humain va devoir placer certaines choses pour certaines raisons, mais dans sa conscientisation, je parle au niveau des masses, la masse n'aura pas à placer les choses. Progressivement, les choses vont se placer tout seul. Puis rendu à ce stade-là, l'ajusteur de pensée est branché où? Bon, rendu à ce stade-là, ce qui va arriver progressivement, c'est que le canal réincarnationnel va s'étrangler. Donc, l'humain va avoir de moins en moins de stimulation à la vie. S'il est instruit, il ne se suicidera pas. Il ne deviendra pas un narcomane. Et s'il n'est pas instruit, il ne comprendra pas, la vie devient plate, il n'y a plus rien à faire, puis là, c'est dangereux. Le canal ajusteur de pensée va lentement traverser le monde astral, il va se brancher à l'intelligence supramentale, puis là, je prends des grands mots, c'est spiritualisable, mais c'est dangereux donc de le faire. Mais à un moment donné, l'individu va subitement avoir une énergie différente chez lui. Avec tout ce que je sais de la vie, moi je vis, puis je suis, ça va bien, c'est parce que je suis nourri autrement que par les mémoires astrales. À un moment donné, l'humain va être capable de se rendre compte que c'est con, ça ne dérangera plus. Parce que ça le concernera plus. Suffisamment égoïste, donc son égo va être suffisamment fondu pour que il se prendra plus assez au sérieux pour que ça le dérange. Et ton ajusteur de pensée te permet à toi de passer directement, communiquer avec ton mental, avec le mental du corps humain. Progressivement, ton canal réincarnationnel s'estompant, tu vas cesser de réincarner. Et là, tu vas vivre différemment, tu vas rester stable tout au long des jours de ta vie. Une personne calme, pacifique, tu resteras calme, pacifique, parce qu'il n'y aura pas des morceaux d'ego qui vont bouger. On ne te réincarnera pas sans arrêt des cochonneries. Tu vas être toi. Mais ce ne sera pas la stabilité que tu as parlé tantôt qui... Non, c'est un équilibre instable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on doit boire de cette eau-là, même si elle n'est pas bonne. Puis le lendemain matin, non, on n'en boit pas. Tu te contredis? Non! Ce que j'ai dit hier, c'était bon pour hier. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. Puis tu es totalement en équilibre. Mais les gens en harmonie vont avoir des difficultés à te suivre. Parce que toi, tu t'autorises à changer de chemise n'importe quand. Tu as déjà dit ça? Exact. C'est trompé? Oui. Fini. T'es pas fier? Non. C'est simple. Alors toi, tu vis là. Là, tu peux aller fouiller dans n'importe quoi, prendre n'importe quoi, observer tout le dessin. J'ai fait des réunions souvent avec certains de mes amis. Et c'est important, on le dit. Dis-le. As-tu une idée là, de telle affaire? Et moi, je pense que ta. C'est stupide qu'il dit, c'est ça. Pas de sens, ça n'a aucun sens. Mais on le laisse parler. Parce qu'en le disant, là, il se rend compte que c'est pas ça. Puis nous, ça nous fait une branche qu'on n'ira pas voir. Rien. Ça devrait être bleu. Non, c'est pas ça. Mais en le disant, on le sait. Sauf que lui-même, par son égo, parce qu'il le dit, il pense que c'est ça. Moi, je trouve qu'on devrait mettre ça beau. Observe, écoute-toi parler, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas ça du tout qu'il faut faire. Mais l'humain n'est pas encore capable. Là, on va commencer à s'obstiner. Mais c'est parce que l'humain aussi peut avoir peur que ça soit retenu contre lui. Parce que c'est tout ce qu'il dit, il endosse que c'est lui, parce qu'il pense que c'est lui qui parle. C'est évident que si tu es dans un plan problématique, là, ce que tu vas dire va être retenu contre toi. Non, je parle juste d'être humain ordinaire. Je parle du plan problématique. Ah, c'est ça, OK. Les gens vont dire, t'es niaiseux. T'es pas niaiseux. Je te dis quelque chose. Comment régler le problème du Bangladesh? Je peux te les tuer. Ben là, si tu te rends compte, c'est pas ça. Non, une affaire de régler. L'humain n'ose pas parler. Et c'est important ce qu'on dit là. L'ajusteur de pensée, il doit s'exprimer par la parole. La parole va ajuster la pensée. Mais il faut qu'on parle, il faut qu'on écoute. Et quand je parle, parler, on ne pense pas ce qu'on va dire. Ça devient de la forme. C'est plus l'ajusteur qui communique, c'est notre canal réincarnationnel. Il y a un bonhomme qui a dit un jour, il ne savait pas ce qu'il disait, il avait raison, de la discussion jaillit la lumière. Ça veut dire quoi? Si vous ne le savez pas, parlez. Et maintenant, vous allez savoir. Comment ça fait que tu finis par savoir ce que tu ne savais pas avant? C'est ça. À un moment donné, tu as tout passé tes mémoires, puis là, il sort des affaires, puis... ou encore, ça vous est déjà arrivé, là. « Hey, ce que j'ai dit là, c'est bon, maudit. Quand ça me dit, je vais le faire. C'est l'énergie qui est passée, c'est pas de la forme, c'est pas suffisamment formé. Fait que c'est difficilement mémorisable, on est là pour essayer de le ramasser. C'est une idée, c'est le titre de mon livre, c'est telle affaire. Ça s'en va vite. Bon, ben c'est juste ce qui se passe. L'humain devrait constater ça, puis ça, il va en avoir d'autres idées. En plus, c'est pas mémorisable, c'est justement pour ça qu'on le perd. En passant une pensée puis une idée, c'est bien difficile. Bon, l'ajusteur va t'amener des idées. Après, si tu as commencé à penser sur tes idées, tu peux les naturer normalement. Si tu es suffisamment intelligent, tu ne penseras pas sur les idées, tu vas travailler l'idée pour l'ajuster au fur et à mesure de l'événement. C'est un ajustement. Personne peut plus loin, bon, au niveau de l'expression de la volonté. Ça veut dire que avec l'ajusteur de pensée, on est capable de recevoir de l'intelligence puis d'avoir un corps et de l'énergie qui est capable de l'exprimer. Mais ça veut dire que présentement, c'est pas, disons, exprimé totalement parce qu'on est possédé puis que cette possession-là abîme notre corps constamment. Ça, c'est un fait. Les corps. Quand je dis faire la grève, Siddhartha côté à moi, à un moment donné, s'est écrasé en plein arbre. Il a essayé la méditation, il a essayé le jeûne, il avait essayé le yoga, il avait essayé le sniffage, j'ai tout essayé. C'est lui qui est devenu Bouddha. À un moment donné, il s'en va s'écraser en dessous d'un arbre. Puis là, il dit, je bouge plus d'ici tant que je n'aurai pas compris. Puis il a fait la grève. Fait que là, les dieux, vous voulez que je médite, vous voulez que je fasse ci, les religions, moi, je ne bouge plus tant que je n'aurai pas compris. À un moment donné, ben, ils l'ont bougé. Pour l'enterrer? Non, ben, il bougeait un grain de riz par jour. Il était tout sèche. Tu avais les jambes. Puis là, il a compris qu'il fallait être dans la voie du juste milieu. Un peu de religion, un peu de drogue, un peu de yoga, puis un peu de méditation. Ils ont fait des concessions en haut, puis ils ont envoyé ça. Mais ce que Bouddha avait compris finalement à l'époque, c'était que c'est pas le temps, on s'en sort pas présentement. Fait que ça, je te casse la tête, mon petit, c'est pas le temps, tu bouges. Fait que arrange-toi pour atténuer au maximum la vie, la naissance, la mort. C'est juste la souffrance. Passe entre les deux. Puis il avait compris qu'il fallait un jour mettre fin au cycle des réincarnations. Parce que les gens qui se suicident, on les recatapulte tout de suite en bas. En couche, avec d'autres parents qu'ils ne connaissent pas. Fait qu'imaginez-vous qu'on est mieux de rester en vie. Sauf que lui avait compris certaines choses. Puis évidemment, il s'est réincarné plusieurs fois. Il y a un paquet de gars, des gros, des petits, des becs, des grands, autour des jaunes, des bleus. Bon. L'être humain, son ajusteur de pensée, ce qui va lui permettre, c'est de supporter son écœurement. Le gros morceau fondamental qu'on doit comprendre, puis ça, l'humain ne le comprend pas présentement, c'est absolument phénoménal, c'est écœurant, à catégorie, comme à l'humain possédé, puis comme à l'humain charrié. Probablement que vous accomplissez 0.1 à 1% de vos journées vous-même. Le reste ne vous appartient pas. Puis, on doit observer. Quand on parle contre quelqu'un, c'est nous autres qui parlons, ça règle quelque chose, ça sert à quelque chose. Quand on veut dire à quelqu'un qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime, qu'on n'est pas capable, ça fonctionne bien. Quand on veut lâcher un emploi ou se trouver un emploi, rencontrer quelqu'un, pas être capable de remplir les papiers convenablement, c'est intéressant. Quand on veut juste aller faire un dépôt à la banque et se poser des questions pour savoir si c'est le bon compte, on n'est pas capable. Il y en a, on peut vous en donner. Regardez la liste de cours qui existent pour former l'homme. Pas l'homme. On doit s'écœurer de ça. Ça on ne changera pas tout du jour au lendemain, mais on doit arrêter. L'ajusteur de pensée va commencer à être beaucoup plus opérationnel. Puis chaque fois qu'on se rend compte que c'est pas nous autres, on est en communication avec lui. Puis chaque fois qu'on est en communication avec lui, on élargit le canal. Plus on élargit le canal, plus on va être conscient vite. Plus on est conscient, plus on vient écœuré vite. Parce qu'on voit. Mais si on ne mentalise pas, ça veut dire quoi? Si, quand on voit, on ne laisse pas la pensée s'emparer de notre vision pour venir nous expliquer notre vision, c'est de la mentalisation. On va la paix. Je viens de voir subitement que telle religion, c'est stupide. Et là, je commence pas à dire, c'est vrai que je suis stupide. Et c'est niaison, vous dire, tu veux chier. Là, ma pensée vient essayer d'expliquer ma vision. Là, je vais me pourrir. Pourquoi c'est stupide? Pourquoi l'homme dit ça? Le moral de réponse. C'est pas de la pensée. Mais toi, je pourrais pas trouver que son niaiseux va dire, ah, c'est pour ça qu'il vit ça. C'est dommage qu'ils aient vécu ça. Je comprends qu'ils vivent ça. Donc là, on va pas dire aux ceux qui sont dans cette religion-là, c'est pas vu, c'est niaiseux. Puis on devient pas des personnes qui se lancent en quête. La conscience continue. Rien de plus niaiseux qu'un animal qui meurt. La nature se fend en derrière pour les créer. Après ça, on s'organise pour les éliminer. Stupide. Bon, mais il y a des raisons. Si on se met à mentaliser, on va finir par être malheureux sur la planète Terre. Et c'est pas, l'humain va vivre autre chose. L'ajusteur de pensée, il se développe uniquement si vous êtes capable d'être là quand vous observez que c'est vous qui êtes là. Et vous savez toujours ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est pas une question de morale. Instinctivement, on le sait. C'est de l'instinct, c'est instantané. La façon de là, on s'en va. Quand vous vous faites charrier, quand vous mentez votre coup, c'est pas de votre faute. Si vous voulez haïr, haïssez-vous pas. Haïssez-moi pas. Haïssez ailleurs. Mais sans ça, on perd notre énergie, on perd notre temps. Quelqu'un vous ouvre les yeux, vous le maudissez. Tabarouette, pas lui, faut maudire. On vous a tombé. Les choses sont comme elles sont, puis ça va changer, puis ça change. En attendant, ben, une chance, puis il n'y a pas trop chaud que vous. Bonne fin de...